C'est KRL, soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. J'ai entendu dire que les miracles se vendent à rabais. On déprendra les pires en bas en se prenant un paquet. Bonsoir Bruno, en forme? Oui, parfait, Bruno est en forme, donc ça va être bon ce soir. Moi c'est pas grave, là, mais Bruno, c'est important. Bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Et bien évidemment, quelle surprise, ce soir on va voir du rock progressif. Ça va faire comme changement. Et on va commencer avec... Mon Dieu, écoutez, ouais, je pense qu'on y va avec anecdote. Ouais. Étant donné que ben, le temps passe, et puis on est rendu en mars, et puis on n'est pas loin, mars-avril. Dans à peu près 2 mois, on aura le plaisir d'aller voir sur scène au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre, évidemment, de la Convention Terra Incognita, et puis ben, on va se payer un petit... Ça, c'est pas assez, justement, c'est peut-être pas assez courant comme disque, là, mais ça vaut la peine de l'écouter quand même. The Waking the Dead, Live in Japan 2005, Annick Dalton. Et puis, ben, Waking the Dead, c'est aussi une de mes émissions préférées, britannique policière, comme par hasard. Donc, on va commencer, trêve de plaisanterie. On commence donc ce soir avec Annick Dalton, et puis on a quelques surprises dans... Oui, on a quelques surprises. Donc, restez des notes. Bruno me regarde, il a l'air comme découragé. Là. Ça va bien aller, Bruno, tu vas voir ce soir. Donc, on donne le coup d'envoi avec Annick Dalton, qui sera le 16 mai au Centre d'art de la Chapelle. We'll be right back.

says my road will end here, fumbling in the dark, looking through this mirror, I see just gray faces every time. Looking through Ça nous venait d'Italie. Je pense que certains auront reconnu par la voix du chanteur. Le groupe Not a Good Sign, c'est leur tout chaud second disque, From a Distance. Une voix qui, moi, je sais pas, j'ai comme une tendance à établir un lien de parenté avec celle de David Sylvian un peu. Là. Ceux qui connaissent David Sylvian sont peut-être d'accord avec moi, mais c'est pas négatif ce que je dis. C'est que c'est pas une voix peut-être typiquement prog, mais c'est une mousse de belle voix quand même. Donc, Not a Good Sign. Ça a été une de mes surprises, moi, l'année dernière. Ce groupe-là, qui sortait de nulle part, mais c'est sûr que si on creusait un peu, on constatait que le guitariste était issu de Nightwatch, le tout premier disque, la toute première version ou mouture de Watch. C'était le disque Twilight, et puis il a quitté suite à ce disque pour de multiples projets, dont le plus récent, Not a Good Sign. On avait avant un doublé suédois avec Kaipa, qui sera en quelque sorte, faut le préciser, c'est pas tout à fait Kaipa qui sera à la convention le 17 mai, c'est Kaipa Dacapo avec trois anciens membres de Kaipa, la formation suédoise des années 70. Vous avez remarqué le vocal qui est le chant suédois. C'est pas quelque chose qu'on est vraiment habitué d'entendre. Et puis, je pense que les prochaines compositions, parce que je sais que le groupe devrait normalement arriver avec un nouveau disque en mai, je pense que ça va être en anglais. Par contre, je peux pas garantir parce que Ryan Stout m'a pas... Il n'a pas voulu me préciser, trop, il n'a pas voulu me donner trop de détails. Je pense qu'ils sont en train de travailler sérieusement sur ce disque-là. J'ai l'impression qu'ils veulent le livrer pour le mois de mai. Donc, on va croiser les doigts, toucher du bois et je sais pas, autre chose de superstitieux. Et puis, il y avait Anecdotune en tout premier lieu. Un extrait d'un disque en concert qui n'est peut-être pas tout facile à trouver, le Waking the Dead Live in Japan 2005. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Bruno, il me dit, j'ai encore le temps. C'est rare que j'ai encore le temps. Donc après, on va avoir quelques messages d'intérêt public et on va vous revenir avec Anton Roulart qui sera lui aussi de la fête le 16 et le 17 mai. C'est lui qui va égayer les entre-concerts dans le hall d'entrée du Centre d'art, comme Gadi Kaplan l'avait fait l'année dernière. Donc on va avoir de la musique, des concerts acoustiques entre les concerts. Et puis, M. Roulart a lancé, il y a peut-être 4 ou 5 mois, un excellent disque qui s'appelle « The Plight of Lady Una ». C'est ce qu'on va écouter après ces quelques messages. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à la Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince égraphie, puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait d'injapéré pour emporter. Non, chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. Yeah. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. L'Agité, c'est plus qu'un bar et qu'une salle de spectacle. C'est un lieu de rencontre pour les organismes communautaires, pour les actions citoyennes. C'est aussi un lieu de création pour les artistes de la relève, pour les créateurs en marge des courants populaires. Notre coopérative, qui est un organisme sans but lucratif, mène présentement une campagne de socio-financement afin d'assurer sa pérennité. Parle de l'Agité, visite-la, fais un petit don, aime ton Agité. Tu peux retrouver la campagne sur la plateforme Indiegogo. Les 27, 28 et 29 mars, c'est le Radiothon 2015 de CKRL. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don.

Don't you let it out.

Salut, c'est Tyr le Coyote, parrain d'honneur du Radioton 2015 de CKRL. Soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. J'en arrache, problème de cash. La solution, lancez l'hameçon. En mars, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Les 15 et 19 mars, l'Opéra de Paris présente Faust. Le 18 mars, voyez Les Aventuriers Voyageurs au Pérou. Du 27 février au 8 mars, ne manquez pas la 4e édition du Festival de cinéma pour enfants de Québec. En mars, procurez-vous une carte Abonne Clap régulière et obtenez un film supplémentaire gratuitement. De plus, découvrez notre nouvel espace lounge et téléchargez notre nouveau magazine électronique gratuit disponible dans le App Store de votre iPad. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Depuis 20 ans déjà, le bar Le Sacrilège soutient le milieu culturel de Québec. Tous les mercredis et jeudis, ainsi qu'un samedi par mois, Le Sacrilège remet 75 cents par pinte de bière vendue à un organisme de la région. Théâtre, danse, musique ou projet universitaire, une sortie au Sacrilège est une façon simple et agréable d'encourager les artistes et créateurs d'ici. L'horaire et tous les détails sur le site lesacrilège.com. Passez-nous voir au 447 rue Saint-Jean. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, nous de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Et de retour. On jette un petit coup d'œil en arrière. Ce qui avait conclu la dernière demi-heure, c'était Alex Carpegna de son disque Four Destinies, la flûte et le sax, Gracieuseté de David Jackson. Je pense qu'il fait maintenant officiellement partie du groupe, donc Alex Carpegna. Il y avait Sylvan, ça nous vient d'Allemagne, leur plus récent Home, et un de leurs bons, franchement. Là, ils en ont pondu quelques-uns là, qui ont vraiment... m'ont vraiment accroché. Celui-là en fait partie, là, Home, c'est de la pièce In Between. Et on avait amorcé avec Anton Roulart, The Plight of Lady Una. Anton sera le guitariste invité de la convention Terra Incognita, donc 16 et 17 mai, au Centre d'art. Et on va aller faire un petit tour, cette fois-ci, du côté de la Suède, avec Norvège, avec Curse Pink, leur plus récent, et on espère un nouveau bientôt. Enfin, ça c'est mon souhait. Je ne vous dis pas qu'il y en a un qui est en chemin, là, mais j'espère qu'il y en a un en chemin. Le disque Mystic Spirit. Et le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. C'est KRL 89.1 et on y va en musique. life goes on in an everyday way. Most shades of gray it seems, but with songs to write, I know I can play bright colors into my dream. And as I lay my head down to sleep, freedom already burns deep in the shelter of my soul. It's finished, it's my call. Let the final curtain fall. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. Bonsoir, bienvenue à la Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait de l'intérêt pour emporter. Madame. Non, bonsoir. Non. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. Yeah. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Salut, c'est Tyr le Coyote, parrain d'honneur du Radioton 2015 de CKRL. Soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. Incognita de retour. On avait, oui, écoute, la dernière demi-heure, je vais résumer ça. On avait en tout dernier lieu, à notre rôle, Léviathan, une formation scandinave, psychédélique, prog, fortement inspirée des années 60. Et ce petit bijou, j'adore. Léviathan, donc, à notre rôle. Nos Italiens de Not a Good Sign, seconde pièce ce soir, c'était la pièce Open Window, le disque From a Distance. Il y avait Unreal City, je pense que ça a été la révélation de la convention Terra 2014. Ces jeunes de bon, début vingtaine, ils en ont laissé comme plusieurs pantois. Vraiment excellent comme prestation. Et puis, ben, le disque est à la hauteur. C'est le... quelques semaines maintenant, Il Pace del Tramonto, et on avait amorcé avec Kerspink, Mystic Spirit, un petit retour pour cette formation qui n'avait pas fait grand-chose pendant de nombreuses années, et on va aller faire un petit tour cette fois-ci du côté de, ben, de l'Australie, de l'Angleterre. Vous le savez probablement que David Allen, le leader de Gong, est décédé cette semaine à l'âge de 77 ans, emporté par le cancer. C'est qu'on va, on va faire un, bon, un petit hommage là, à notre façon. On va vous passer un extrait de ICU qu'on a fait jouer à quelques occasions à l'émission parce qu'on aime bien ce nouveau gang-là. C'est le dernier, ça va être probablement le dernier aussi. Donc, ICU, c'est malheureusement, ça va être... je pense que le groupe va tirer sa révérence parce que c'était pas mal l'âme du groupe. Malheureusement, mais il y avait annoncé... peut-être qu'il y a trois semaines, qu'il avait pris la décision de ne pas se soigner, de ne subir aucun traitement, et puis ben, ça n'a pas été très long. Il est malheureusement décédé deux, trois semaines après. Ben, on dit c'est la vie. Donc, on y va, nous, avec Gang, c'est notre dernière demi-heure. C'est Bruno et Michel, Terra Incognita, CKRL MF 89.1. His private army will be used to stop the crowd.

Thank you. Thank you. c'était Dave Kilminster, un monsieur qu'on a eu l'occasion d'entendre souvent aux côtés de Roger Waters, probablement dans toutes ses dernières tournées, sauf erreur. C'est son disque solo, And the Truth Will Set You Free. Il y avait un petit parfum floydien dans cette pièce-là, évidemment. Son jeu est assez près de celui de Gilmour. Personne ne peut le nier. Et c'est pas, par contre, ce disque-là n'est pas typiquement prog. Là. Il y a un bon fond de folk et c'est très bon quand même. C'est pas parce que c'est pas prog que c'est pas bon. Mais c'est ça. C'est un petit clin d'œil Pink Floydien, mais c'est pas non plus ça. Bref, c'est personnel, puis il faut l'écouter, je pense, pour en avoir une meilleure idée. Et puis, on avait avant... Ça nous venait d'Italie, Secret Tales. Ça aussi, c'était petit parfum floydien, ça aussi. De leur plus récent disque, l'Antico Regno. Tournons la page. Mes Scandinaves préférés de ce temps-ci. À notre rôle, Léviathan. La montagne de la folie, The Mountain of Madness. Et puis, Kong. Notre petit hommage... Monsieur David Allen, défunt, ICU, leur plus récent disque et le dernier. Sauf erreur, je pense pas que personne va reprendre le flambeau après ça ou oser reprendre le flambeau. Donc, c'est le dernier disque de Kong, ICU. C'est le temps de vous souhaiter une bonne nuit sur nos ondes. Il y a l'autoroute dans quelques instants. Et puis, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'était Michel et Bruno pour Terra Incognita. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Okay. J'essaie de rentrer par effraction. En haut de la porte Saint-Jean, il y avait une porte de secours. On essayait de défoncer. Et c'est là que la police est arrivée en grand nombre. On savait pas que le char était pris dans la salle. Mais là, ils commençaient à checker les affaires, les flics, parce qu'ils savaient que ce beau monde-là était tout en motésie, puis ça allait tout sortir en même temps, puis foutre le bordel. Fait qu'ils étaient montés sur la porte Saint-Jean. Puis là, quand ils nous ont vus, ils sont venus nous chercher, évidemment. On n'avait pas encore réussi à défoncer la porte. Mais moi, en voyant les flics arriver, j'avais du hache sur moi. Fait que... La lettre H, c'est ça. Ouais, on sent... Je pense que tout le monde aura compris. Non, j'ai pris il y a des enfants qui écoutent quand même. À cette heure-là, tu penses? C'est certain. Alors, j'avais pris ça, j'ai sorti ça de mes poches, je l'avais en bas de la porte Saint-Jean. Les flics étaient arrivés, ils nous avaient contrôlés, tout ça. Bon, dispersez-vous. Ils nous avaient pas vraiment pognés sur l'effet, mais presque, mais bon, tu sais, on n'a pas eu le temps de faire notre mauvais. Restez avec nous. Dans un instant, l'autoroute. Finalement, j'avais pas été m'acheter mes billets, puis j'avais mauditement bien fait, parce que c'était le drummer original des Birds, Michael Clark. Il avait ramassé toute une gang de jeunes nobody, puis il avait appelé ça The Birds. Le concours de Montrée de Québec, reconnu par l'ONU, présente son événement annuel. Des conteuses et des conteurs de toute la galaxie tenteront de convaincre des juges de renommée mondiale que leurs histoires sont vraies. Mais oui. Le concours n'est pas ouvert aux professionnels du mensonge. Dentiste? Ça fera pas mal. Vendeur itinérant? C'est fait au Québec. Banquier? Vous êtes important pour nous. Du vendredi 27 au dimanche 29 mars à la Galerie d'art et cabinet d'avocats Baron Lafrenière. Informez-vous sur lesamisimaginaires.ca. Les 27, 28 et 29 mars,